Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Psychiatrie, la folie ordinaire, une série de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a ce qui est devenu le parent le plus pauvre de la médecine et ses confinements qui ont tapé durement sur nos esprits et rendu encore plus complexe la tâche des infirmiers déjà bien trop tendue. Alors pour commencer, les personnages, un infirmier qui sent bon, un patient qui pense à Passard, une patiente qui se calme, une infirmière qui apaise, un infirmier qui savait ce qu'il voulait, une autre qui a craqué, une jeune qui va partir et un autre qui s'accroche. Ensuite, le décor. Des paroles en boucle, des anxiolytiques, la radio pour se calmer, des répondeurs, les urgences, des camisoles chimiques, des diplômes, des pyjamas, des addictions et des couloirs pleins. Aujourd'hui, 3e épisode, on pousse une porte. Infirmiers, les garde-fous de la psychiatrie. C'est la responsabilité. Pour tout le monde, on Un matin, aux urgences de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, c'est la relève pour l'équipe soignante. Déambulant avec les infirmiers le long des couloirs, nous partons à leur rencontre pour observer les conséquences des transformations de l'hôpital gestionnaire. Comment s'en sortir face à la demande grandissante des patients et l'offre qui dysfonctionne ? Je mets du PQ, hein, là. Carole. Oui, tu peux en mettre. On dit que les fonctionnaires sont feignants. Allez, je me suis viandé à vélo, je vais quand même bosser. Mais ils rigolent pas, en plus. Ah, ok. Allez, en boitant, il vient travailler en boitant. Pardon ? Allez, il travaille en boitant. Il se bat pour être là, okay. Parce qu'il sait qu'il y en a que des gens comme moi, on a besoin de lui. Il fourmilière ici. Ça fourmille, ça fourmille. Ça fait des mini-trains à chaque fois. 8 personnes, 7 personnes, 4 personnes. Vous êtes venu directement ici ou vous êtes passé par le service des urgences? Je suis oh là là, une longue histoire. Je suis passé par Panrel. C'est quoi? Une unité avec laquelle le type de personnes comme moi, c'est on n'est pas les bienvenus. C'est quoi les personnes comme vous? Je sais pas. Vous pouvez y aller. C'est pas le maître de Lyon. C'est un infirmier. Bonne journée. Allez, franchement, il sent toujours bon, il est toujours propre. Il est toujours beau gosse. Son fils, il est de bonne qualité. C'est un violoniste qui fait 2 mètres. Arrête, je vais blanchir, arrête. En tout cas, si vous croisez Alain Passard, vous lui dites que je pense fort à lui. Si on ne sait jamais s'il est sur Europe 1. Si vous croisez Alain Passard, vous lui dites, je pense fort à lui. Merci d'être le meilleur cuisinier du monde. Et moi, j'ai suivi toutes ses recettes. Alain Passard, j'ai sorti d'une dépression grâce à lui. Allez-y, salut. Ils m'ont sorti plutôt pas mal. Ça va ? Plutôt avec panache. En plus, il donne des cachets, donc des fois, il surdose de cachets. Ça fait que des gens très bien perdent le nord. Et des gens comme moi, bah, on arrive à garder le cap parce que... Moi, en bon lyonnais, je mets de la musique quand ça va pas. Je mets Nostalgie. Nostalgie. Comme ça, s'il y en a un qui doit faire un arrêt cardiaque, au moins il partira sur du Claude François, du Claude Nougaro, du Nirvana. Il mérite les Français de partir sur une belle note. Je mets toujours Nostalgie à fond. Et les autres, je mets doucement dans mon oreille. Je suis représenté sur un cut. Je suis libre de mes pensées, de mes propos. Et je donne la libre utilisation, le libre montage de mes propos qui s'apprêtent à passer sur France Culture. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours été formé de la classe, je suis très intelligent. Je parle latin, je parle allemand. Regardez, c'est ce que je suis en train de chercher, faites ça pour vous. Bah oui, je vais l'appeler parce qu'il vient pas. Donc je vais l'appeler pour lui dire. C'est une brune qui a les cheveux longs. Ouais, alors ça c'est le docteur Bugin, c'est la psychiatre. Mais la priorité c'est aussi que vous soyez vu par un médecin somaticien, un médecin généraliste. Carole, ouais, infirmière aux urgences divinatives. Je vais la revoir aussi, mais je voudrais que vous soyez vu par un autre médecin aussi. D'accord. Mais quand? Pour la question des brûlures, tout ça. Mais que pour oui. Et bah quand? Le plus vite possible, quand je l'aurai trouvé. Parce que vous voyez, j'ai des volailles à faire. J'ai compris, vous voulez rentrer pour nourrir vos volailles. Bah oui. J'ai bien entendu votre demande. Ok. Mmh. Allez, venez avec moi. Je peux parler avec le psychiatre de ce matin quand je suis arrivée, s'il vous plaît. Alors là, pour l'instant, c'est pas possible, on s'occupe du monsieur, et puis dès que c'est possible, on vient vous voir. D'accord? Et si c'est urgent, vous pouvez frapper à la porte, c'est le bureau des soignants juste ici. Oui, attendez, je vais aller peut-être me laisser aux toilettes avant. Eh ben, allez aux toilettes avant. Oui, s'il vous plaît. S'il faut trouver une chambre, ça va être compliqué. Ah. Bah, surtout, oui, tu as les patients qui sont en train d'attendre. Ouais, non, mais là, c'est... C'était quoi exactement? C'était des décès. Oui, mais vous nous en avez parlé ce matin, madame. Oui, il faut que je dise à quelqu'un, j'en ai parlé au téléphone. Le psychiatre est au courant. C'est tout sorti de ma tête, mais maintenant il faut que ça ressorte encore dans un. Oui. Là, à deux personnes différentes. Attendez, madame. C'est une personne de. Et donc, ça commence à revenir là un petit peu, ok? Tenez. Attendez, buvez pas tout, madame, c'est pour le traitement. Oui, je ne vais pas tout boire. Hop là. Je regarde parce que. C'est Seresta pour les angoisses, d'accord? Ça a bien marché tout à l'heure? Oui, bien, bien, bien. Bon, bah super. Allez, tenez. Merci. Hop là, de rien. Et merci. Allez, essayez d'aller vous reposer, allez regarder la télé. Ça presse, que je veux dire. Ça presse beaucoup. Mais madame, vous avez déjà vu le médecin psychiatre ce matin. Là, il y a beaucoup de monde sur les urgences. Vous n'allez pas le revoir aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, ça ne sera pas possible. D'accord? Vous le reverrez demain. Ok? Là, il n'y a pas le choix. Il y a plein de monde dans la salle d'attente. Bah, je peux comprendre que ça soit compliqué d'attendre ici sur les urgences, mais voilà. Là, on n'a pas le choix, là, pour l'instant. Ouais. Allez, à tout à l'heure. C'est la bonne. Après, c'est possible qu'elle ne réponde pas parce qu'il faut savoir qu'au CMP, quand on appelle, on se prend souvent des vents. Le nerf de la guerre ici, c'est vraiment courir après les gens parce qu'il y en a qui pensent ne pas être malades ou qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de soins. Donc, du coup, voilà. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07 74 44 41. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Oui, bonjour, je suis Étienne Coach, je suis infirmier au CMP de Villeurbanne. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, on s'est vu vendredi après-midi avec votre fille. Voilà, je voulais juste vous rappeler pour vous informer que je vous ai trouvé un rendez-vous avec un psychiatre au CMP. J'aurais bien aimé discuter quand même avec vous, donc dans tous les cas, je vous rappellerai pour vous le donner. Si j'ai le temps, j'essaye de vous rappeler cet après-midi, sinon j'essaye de le faire demain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. C'était bien ou pas le message vocal que j'ai laissé? Parfait. Parce que j'ai une collègue, elle se fait que se foutre de ma gueule tout le temps parce que j'ai un ton trop bizarre. En plus, on est des infirmiers, on est censé être des gens bienveillants, gentils, qui accompagnent les gens, donc il faut l'être aussi dans le répondeur. Quoi. C'est bon, ça s'est ressenti, vous pensez? Alors, c'est où? C'est là. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. En fait, dès la sortie du diplôme, je suis allé travailler à l'hôpital du Vinatier. J'ai fait 2 ans et demi. Et puis, entre-temps, j'ai découvert le fonctionnement du CMP. Donc, votre entourage a réagi comment quand vous avez eu envie de travailler en hôpital psychiatrique? Alors, ma mère est infirmière de formation. Sa plus grande inquiétude, mais encore aujourd'hui, c'est que je devienne fou. En fait, parce qu'elle, elle a toujours entendu dire qu'à l'hôpital psychiatrique, les soignants étaient aussi fous que les patients. Et que même s'ils ne l'étaient pas au début où ils rentraient, en fait, au final, ils devenaient fous parce que ce qu'ils voyaient, c'était trop dur. Mmh. Ma mère, de temps en temps, souvent, elle est inquiète pour moi que je fasse une dépression, que je devienne un peu fou, quoi. Vous avez décidé d'être infirmière en psychiatrie, pour quelle raison? Alors, en fait, quand j'ai commencé l'école d'infirmière, je savais pas trop, je voulais faire infirmier, mais je ne savais pas où. Et puis j'ai fait un stage sur l'autre hôpital psychiatrique de Lyon, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Et là, c'était la révélation. Je me suis dit, c'est comme ça que je soignais les gens. Pourquoi vous dites que c'est comme ça que vous vouliez soigner? Alors, je sais pas trop comment expliquer, mais moi, tout ce qui est poser une perfusion, faire des soins, tout ça, c'est pas. C'est intéressant, c'est marrant, c'est sympathique, mais je sais pas, ça embête les gens, ça les. Parfois ça fait mal de faire une prise de sang, tout ça, c'est pas forcément. Mais quand j'ai vu du coup qu'on rassurait les gens en parlant, je me suis dit, mais en fait c'est beaucoup mieux que poser une perfusion quand même, parce que poser une perfusion ça peut faire mal. Donc voilà, après j'aime bien faire des soins techniques, mais on en fait presque, on en fait très très peu ici. Bon, ben si j'ai une injection avec un monsieur cet après-midi, s'il vient, après j'ai une consultation avec Nathalie Gilon. À 14h. Alors c'est soit moi, soit ma collègue infirmière, parce que c'est un gros patient, donc il y a 2 infirmiers sur la prise en charge. Parce que c'est un entretien médico-infirmier. En plus, on a des trucs à aborder, parce que du fait de sa maladie, il ne fait pas le ménage, il ne s'est pas douché, je crois, depuis un mois. Moi, je l'ai vu la semaine dernière, je lui ai dit, habillez-vous comme si vous alliez à la messe pour voir le docteur Gilou, quoi, parce que sinon, on ne va pas... Il est vraiment trop trop sale, quoi. Et ça, c'est la maladie qui fait ça. C'est une discipline médicale, c'est la discipline médicale pour moi, que c'est celle où on entre en résonance avec le patient. Mais on ne s'occupe pas que du foie. Alors, c'est très important de s'occuper du foie, du poumon, du cœur et tout ça, mais de la personne. C'est un cœur, c'est un foie, c'est un organe qui appartient à quelqu'un. C'est à cette personne-là qu'on s'adresse. Yves Gigou, est-ce que vous pourriez vous présenter? Je suis né en 1948. Ma mère était montée de la Manche sur Paris quand elle avait 23 ans. Elle a travaillé dans un café où elle faisait la cuisine. Elle était, comme on dit aujourd'hui, mère célibataire, à l'époque fille mère, quoi. Voilà, donc c'est ma mère m'a mis en pension à l'école Fénelon à Vaujours. L'école Fénelon, c'était un pensionnat religieux et tout. On avait un uniforme bleu marine avec une casquette avec marqué EF, école Fénelon dessus. Et quand on rentrait le week-end dans nos familles et tout, on prenait un bus du côté de Romainville et tout. Et les autres gamins disaient, tiens, voilà ceux de l'école de fous. Comme quoi, hein. Et là, j'ai commencé à moins bien travailler. Bon, j'étais à la fois dans une bande, les bandes de l'époque, hein, de ces années 60, 62, par là, de blouson noir et enfant de cœur à la paroisse. Ma mère, qui s'était mariée, m'envoie un peu à l'écart de la cité, de l'agitation, noirs. Des blousons noirs. Donc, et là, je vais travailler dans une usine... de traitement des métaux, Camiaz, nickelage et tout ça. Et là, j'y suis un an et je reviens ensuite sur la région parisienne pour aller travailler à Ozoir-la-Ferrière, justement, dans l'usine de robinetterie. Je faisais du soudage. Et puis, j'ai rencontré Michel, dont le père était infirmier à l'hôpital de la Queue-en-Brie, au Muret, qui parallèlement, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup encore, il y avait des infirmiers qui avaient un double emploi. Et le père de Michel avait une petite teinturerie. Et il nous a emmenés, lui et moi, une kermesse à la Queue-en-Brie, où là, vraiment, j'ai découvert un univers dans lequel je me suis tout de suite senti à l'aise. Et c'était en plein air, avec des stands, enfin comme une vraie kermesse et tout, avec cet aspect un peu festif, où les gens, on ne sait plus qui est fou, qui ne l'est pas, quoi. Il n'y avait pas de regard stigmatisant qui était porté sur les uns ou sur les autres. Et on a tout de suite postulé pour passer les concours d'entrée dans les hôpitaux psychiatriques. J'ai passé celui de Villejuif et c'est là qu'ils m'ont appelé. J'ai commencé mes études en 1966. Alors c'est vrai que quand je suis arrivé à côté, là on est à une centaine de mètres à peine de l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Là. Ça a été une autre histoire, quoi, parce que bon là c'était l'asile dans toute sa splendeur, quoi. C'était votre premier boulot ? En juillet 66, ouais, j'arrive dans le bureau du surveillant-chef et il me dit « Allez, aux agités ». Donc c'est là que je me retrouve dans une unité d'agités, 90 patients qui tournaient en rond dans une grande salle. Et à l'époque, la cigarette, le tabac, enfin, c'était une ambiance très particulière. Je me dis « Mais c'est pas ce que je voulais faire ». Elle est en train de taper contre les murs, là. Bien énervé. Comment ça va? Vous avez vu que c'est un petit compliqué là, le réveil? Ouais? Qu'est-ce qui est compliqué? Est-ce que vous savez où vous êtes là? Absolument, ouais. Vous savez où vous êtes ici? Oui, oui. Ouais, vous êtes où? À l'hôpital. À l'hôpital, oui, à l'hôpital. Le Vinatier. Ouais. On est aux urgences ? Oui. Ouais, vous êtes arrivé ce matin, c'était un petit peu compliqué. Oui. Du coup, on vous a installé ici, on vous a donné un traitement pour essayer de vous apaiser un petit peu. Bien, bien, bien. Pressé. Vous étiez pressé, vous me dites ? Ouais. Ouais. Et là, comment vous vous sentez ? Beaucoup. Moi. Ouais. Plus apaisé ? Ouais. On va se voir avec le médecin, là ? Oui. Ouais, vous êtes d'accord ? Bah, je vais vous laisser patienter un petit peu ici. Dès que le médecin est disponible, on va venir vous voir. Et puis en attendant, on va vous demander d'essayer de rester calme. Est-ce qu'on vous propose un petit déjeuner, peut-être? Oui, j'ai faim. Ouais, bah, on va vous proposer un petit déjeuner. On fait comme ça? On peut compter sur vous pour rester calme, là? Yes. Ouais. Je vous fais un café? C'est la dame qui est arrivée dans la nuit. Elle a eu son traitement, elle a eu 50 à l'installation. Ouais. 55 elle a eu. Ouais. Qu'elle a bien pris, elle s'est posée, elle s'est endormie, mais là elle s'est réveillée, elle s'est passée contre les murs. Elle est... Maxime Lecomte, psychiatre aux urgences du Vinatier. Elle est en couloir. Ouais, elle est en couloir. Ah, merde. Sauf qu'on a pas de chambre de dispo, à part le seul isolé qui nous reste en B5. On va y aller. Eh ben allez. Ah ouais. Le psychiatre. Enchanté, Quentin. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Enchanté, Quentin. Quentin? Ouais. Mais je m'appelle pas Quentin. Ah. Comment vous sentez, vous, ce matin, là? Ça va. Ça va. Vous savez où vous êtes ou pas? Ouais, très bien. Vous êtes où? Au Vinatier. Ouais, aux urgences, généralement. Ah, c'est pas monsieur. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez... Ça, je sais, je suis début à gagner. Est-ce que vous entendez mes voix là tout de suite? Non. Non. J'ai l'impression que vous répondez à des personnes quand je vous parle pas. C'est pour ça. Ouais. Et puis vous avez l'air un peu hilar. Non. Un petit peu quand même. Vous vous sentez dans votre état normal? Oui. J'ai peu d'infos vous concernant, mais si j'ai bien compris, les secours vous ont amené à l'hôpital pour un état de mal-être. C'est ce qui est dit dans le relève. Et c'est vrai que quand on vous voit, on a l'impression que vous n'êtes pas... Oh, ben voilà, parfois vous éclatez de rire, parfois... Crazy. Ouais. Pistouquet. Vous êtes sûr ou... D'habitude, vous réagissez comme ça, d'habitude, vous riez pour plein de petites choses, en fait, déjà. Ah, pour un oui et pour un non, comme maintenant. D'accord. C'est vrai que si je... Mais alors, l'espinasse, l'espicra. Donnez mon point de vue, j'ai quand même l'impression que vous êtes peut-être un petit peu familière, là, un peu... Vous partez vite en riant. Moi, pressé. Hein? Trop acide. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Donc là, pour le moment, c'est pas très agréable. Vous êtes dans un couloir. Bon, voilà. On va essayer de trouver peut-être une chambre. D'accord. Et là, c'est Carole, c'est votre infirmière référente. Bonjour, okay. Caroline. Carole. Carole. Donc, si vous avez des demandes à faire, vous n'hésitez pas à venir la voir. Hein. Ok. D'accord. Et je pense vraiment qu'il faut rester à l'hôpital. Vous l'avez bien entendu, ça? Oui. Ouais. La dernière fois que vous avez été hospitalisé, c'était quand? Vous à ma naissance. À votre naissance? Le bon le très certain à coup de couteau. Merci. Garnal, l'Institut de la vie. Prise de sang, électrocardiogramme, test Covid. Test Covid, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, d'accord. François, infirmier aux urgences du Vinatier. Vous avez vu la dictologue, là, c'est ça? Oui. Là, pour moi, vous allez avoir un lit dans le couloir. Moi, c'est pas là. Je vais pas juste. Je vais vous asseoir sur la... Ok. Parfois, c'est le premier contact qu'ils ont avec la psychiatrie. Et moi, ça aussi, je le prends en compte. On fait tout notre possible pour qu'ils puissent avoir une chambre, si possible seul, et que ce ne soit pas des conditions dans le couloir, avec d'autres patients déjà connus de la psychiatrie. Et... ça peut impressionner. Vous êtes là depuis quand, oui? 2 ans et demi. Vous connaissez le service des urgences? Vous êtes prêts? Oui. Allez, on y va. C'est bientôt fini. Super. Oh, cette fois, ça passe pas mal. Il a pleuré, toujours. Toujours. Et alors, en quoi consiste votre travail ici? Vous faites quoi dans la journée? Quoi dans la journée? C'est très, très vaste. En fait, on a vraiment 3 postes différents en tant qu'infirmier ici. Donc, on a la partie hospitalisation que vous avez vue, la distribution de traitements, soins en chambre intensive, l'isolement, accompagnement tout au long de la journée et évaluation. On a une partie du coup régulation là-bas, c'est un poste très très intéressant parce qu'on comprend tout le parcours patient, on a aussi du bed management où on gère les lits sur le service, on est en lien avec les cadres du bureau de coordination. Et il y a cette partie consultation du coup où on est très autonome, on voit les patients seuls. Ce monsieur, je l'ai vu tout seul ce matin et le médecin l'a vu après. Voilà, après on échange sur la prise en charge. Et après vous allez l'installer? Et après je vais l'installer du coup. Installer dans une chambre? Non, dans un couloir. Vous avez quel âge, vous, François? J'ai 28 ans. 28 ans. Vous êtes tous super jeunes en psychiatrie ou c'est un... Aux urgences, j'ai l'impression qu'on est tous très jeunes, ouais. Ouais. C'est un peu la moyenne d'âge, on avait fait ça. Est-ce que les infirmières restent ici? Eh ben moi, je pars dans un mois, du coup. Ouais. Parce que je pense que c'est usant, au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte. Et on a rarement des bonnes nouvelles ici. Au bout d'un moment, c'est pesant, franchement. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me... Vous allez où, du coup? Je suis sur une équipe de liaison, qui est vouée à devenir une équipe mobile. On va chez les gens. Et... ben voilà, dans cette démarche-là, plutôt. En fait, en première année, déjà, c'était très dur. Elle me disait tout le temps dans mes notes, prends trop de temps. On me reprochait de discuter trop avec les patients. J'avais des prises de sang à faire, je mettais, admettons, 30 minutes, alors qu'en fait, il faudrait mettre 5 minutes pour le faire. Donc, je me faisais reprendre tout le temps. Et c'est qu'en stage de psychiatrie que, en fait, le temps... c'est pas la même notion du temps, en fait. C'est pas la même notion de rentabilité. C'est pas la même. C'est ma sensation. Après, c'est peut-être pas pareil dans tous les services, mais en tout cas, moi, j'avais l'impression que je pouvais être moi-même. Isabelle, et être plus... infirmière en région parisienne. Plus en accord avec mes valeurs et avec ce que j'imaginais du soin en psychiatrie. Enfin, la psychiatrie, ça représente que dalle. Hein. Dans les études qu'on fait, on a juste des cours hein, qu'est-ce que c'est la schizophrénie, quel traitement il faut, les neuroleptiques, comment ça fonctionne, etc. C'est quand même intéressant de le savoir, mais. Ça nous apprend pas à comment être avec parce que même schizophrénie, enfin la schizophrénie, il y a 4 personnes diagnostiquées schizophrènes, c'est pas du tout parfois les mêmes façons de faire parce que bon, c'est la psychiatrie, c'est aussi un grand mystère. Enfin des fois, autant des plaies ou des maladies, on peut parfois les expliquer par la science, mais autant la psychiatrie, ça reste quand même un truc un peu on fantasme, la folie, comment ça s'attrape. Et on se rend compte finalement que la psychiatrie, c'est tout un contexte, et c'est ce que j'aime chez les adolescents, le contexte familial, qui joue beaucoup, le contexte social, le contexte culturel. Il y a plein de, comme ça, de sous-parties qui sont à explorer en psychiatrie. Du coup, j'ai compris pourquoi j'étais là, j'ai compris pourquoi... les patients nous apprennent tellement de choses sur nous-mêmes que c'est ça aussi qui m'a plu. Vous vous êtes dit, je suis là à cet endroit-là, pour quelle raison alors ? Moi, du coup, ma mère, elle est d'origine des Philippines. Je voyais bien la différence culturelle, mon père est français. Et donc, mon père est militaire. Ma mère, elle avait quitté son pays pour arriver dans un pays qu'elle ne connaît pas, ne parle pas la langue. Et en fait, ça a été vraiment, dans le parcours de l'histoire de ma mère, ça a vraiment marqué quelque chose d'assez traumatisant, finalement. Chose qui se transmettent un petit peu de génération en génération. Et chose que moi, j'ai pu vivre pendant mon enfance, avec une maman qui parle pas bien français, qui se fait un peu stigmatiser, un peu rabaisser, quoi, au quotidien. Et... moi, j'avais l'impression de pas comprendre en fait pourquoi elle était si mal, pourquoi voilà, elle avait des grosses difficultés. Et en fait, entrant en psychiatrie, j'ai compris que c'était pas que elle, c'était toute son histoire. C'était voilà, c'était des choses qui moi me concernaient pas forcément, parce que forcément, quand on est enfant, on se dit qu'est-ce que j'ai fait quoi, par exemple. Mais du coup, de travailler en psychiatrie, ça m'a permis de m'ouvrir, de comprendre que un symptôme, c'est pas forcément relié à la personne en tant que telle, mais c'est tout un contexte historique, social, de l'enfance surtout. À tout à l'heure. Merci, au revoir. Oui, bonjour, aux urgences de l'unité. J'ai aucune chambre et il n'y a pas de mutation qui se prévoit. Parce qu'en fait, j'ai une dame dans le couloir qui n'est pas là, t'as bien. Ouais, là, ça me dépend. Carole. Ouais. C'est quelqu'un qui a peu de patients, par exemple. Je n'ai pas de chambre. On demandera à Mathieu si Tommy, c'est deux patients. Non, mais moi, c'est ce que je pensais. Hein. Ouais, pas du tout. On a la B5, mais c'est contenu. J'ai pas envie de la contenir. Mais il faudrait peut-être la mettre en sécurité. Mais la B7, on pourrait la mettre en sécurité. Et pourquoi on la met pas? Ah oui, la B5, vous la réservez. Ouais. La B7 en B1, on commence peut-être par un traitement. Je pars sur 50-10. Okay. Ouais, fais-nous confiance. Ouais. Constant. Voilà. Thierry a étalé ses selles et son sang sur le mur des toilettes pour qu'on s'en souvienne. Qu'on se souvienne qu'on est fait de merde et de passion. Et Constant doit nettoyer parce que c'est son métier. Homme de ménage. Agent des services hospitaliers pour faire plus technique mais pas chic. ASH. Même si la paix ne suit même pas, si la paix ne suit pas au contraire des CDD très courts qui, eux, s'enchaînent sans certitude. Mais les selles restent des selles, quel que soit le titre de sa profession et le détail de sa fiche de poste. Les excréments de l'âme l'attendent tous les matins dans les WC des garçons, au fond du couloir. Il sait quand il va très mal, ce jeune-là, Thierry. Il découvre davantage de sang sur le papier peint turquoise, sur la porte blanche, sur la poignée de la porte lisse, sur le carrelage un peu moutarde du sol, sur le ballon d'eau chaude, sur les canalisations, sur les plaintes, sur le distributeur de papier métallique rouillé. Alors, passé un certain tournant dans l'excès de salissure, il doit se décider, trouver son organisation, sa parade. Il ne peut pas tout laver tous les jours, car plus il lave, plus Thierry s'essuie sur les murs et ailleurs. Il rajoute, il épaissit, il dramatise. Il monte plus haut, il descend plus bas, il dessine. Il trouve de nouveaux recoins, de nouveaux angles. Thierry réfléchit avec ses intestins. Il parle avec ses boyaux. Il insiste avec son sang. Il souligne avec du mucus. Il y a la souffrance par paquet, la douleur par giclure, la tristesse par lissage. C'est la fresque de sa folie dans les toilettes. Il crie avec sa crotte. Et c'est plus supportable que ses insultes, ses hurlements, ses rots, ses paix, ses crachats, sa violence, ses attaques, ses provocations. Il casse tout dans sa chambre quand les infirmières et les éducateurs lui disent non, pour un verre de jus d'orange, pour une cigarette. Isabelle, vous faites quoi comme travail ? Alors, du coup, moi, je suis infirmière dans une équipe mobile pour les adolescents, pour des jeunes qui sont même pas capables de venir aux urgences. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, des fois, ils sont reclus au domicile, il y a eu déjà des signalements de faits parce que on les voit pas à l'école, que leur état se dégrade, des jeunes qui se nourrissent plus, qui ne se lavent plus, qui ne voient plus personne, qui passent des heures et des heures sur les écrans. Ils s'enferment dans les jeux vidéo, parfois dans les réseaux sociaux quand ils y sont. Mais donc nous, on rencontre ces familles-là, on se présente et tout notre boulot, c'est de dire aux parents, voilà, nous, on est là pour vous aussi. On est très inquiets de ce qui se passe pour votre enfant. Parce que eux, les parents, leur plus grosse inquiétude, c'est d'être jugé en tant que parents, mauvais parents, quoi, et qu'on enferme leur enfant en psychiatrie. Souvent, ce qu'ils nous disent, c'est « oui, moi, je veux pas que mon enfant soit en camisole, qu'il soit interné », c'est le mot qu'ils utilisent beaucoup, mais nous, on n'utilise pas du tout ce mot-là. Enfin, nous, on parle pas d'internement, on parle d'hospitalisation. Et de toute manière, voilà, ils disent « j'ai pas envie qu'il soit, comme dans les films, arraché à la maison avec la police, enfermé 24 heures sur 24 avec des traitements qui le sédatent complètement ». Donc ces jeunes-là, on les rencontre. Bon, bien évidemment, ils ont absolument pas envie de voir d'équipe de soins débarquer chez eux pour... Voilà, en fait, concrètement, donc, il ne faut pas entrer dans leur chambre de façon cow-boy intrusive. Donc, par exemple, toquer à la porte, dire qu'on est là, lui demander si on a l'autorisation d'ouvrir la porte. C'est alors le début du prendre soin. C'est ça. Le prendre soin, c'est aussi respecter la parole de l'enfant. Nous, on lui dit, on va à ton rythme. Là, tu ne veux pas nous voir. On se présente derrière la porte. Des fois, on fait des entretiens derrière porte close, quoi. On est derrière la porte en train de lui dire, mais non, mais tu sais, nous, on veut juste que tu vois à quoi on ressemble. Voilà, moi, je m'appelle Isabelle, je suis infirmière. Je suis vraiment là pour comprendre ce qui se passe pour toi. Il y a des adultes qui sont inquiets, donc nous, on veut savoir ta réalité, ta version des faits. Est-ce que toi, tu es inquiet pour toi-même? Si c'est pas le cas, mais quand même, tu trouves pas qu'à ton âge, être enfermé comme ça, ne pas se nourrir, ne pas se laver, c'est un peu embêtant? Puis petit à petit, voilà, les liens, la relation, elle se crée comme ça. Vous faisiez quoi quand vous arriviez le matin ? À Villejuif, on faisait... c'était organisé de façon très, très asilaire, c'est-à-dire qu'il y avait les infirmiers qui étaient de réfectoire, les infirmiers de cour et les infirmiers d'infirmerie. Et l'infirmerie, donc, c'était la préparation des médicaments. Donc dans cette unité d'agité, il y avait quand même 90 patients. Donc il y avait un plateau immense avec 90 gobelets et on mettait les comprimés et les gouttes. On avait une grosse poire avec une pipette, puis pch, pch, le largactyle et l'inosinant, ça y est. Mais ça aussi, je me disais, mais pourquoi on met la même dose à tout le monde alors que la prescription n'est pas celle-là? On m'a dit, oh, tu comprendras et tout. Enfin, la cour, bon, c'était de la surveillance, on avait un sifflet. Si un patient passait le grillage et tout, il fallait siffler, courir après et le rattraper. Il y avait 6 ou 8 cellules au bout du pavillon, 3 ou 4 de chaque côté, avec des doubles entrées. C'est-à-dire qu'on pouvait rentrer par 2 portes dans la cellule si le patient était vraiment en phase d'agitation et tout. Il y avait aussi la perversité et tout parmi certains de mes collègues qui faisaient un peu, comme on disait, monter les patients. Et j'ai voulu fuir ça et dès que j'ai pu, je suis parti, quoi. Alors c'est les prémices de l'ouverture. On se dit qu'on peut vivre avec les gens à l'extérieur de l'hôpital. Alors ça, j'avais entendu les collègues m'en parler, et Claude, c'était Claude Roméo, le copain en question, il m'avait dit, tu verras, à la Queue-en-Brie, on fait des séjours thérapeutiques, ça et tout. Bon. Donc me voilà parti à la Queue-en-Brie, et puis on a la possibilité de faire des séjours thérapeutiques, dont je pars avec des patients en séjour, et je me rends compte que ça change totalement de l'ambiance que j'avais connue à Villejuif. Bon, déjà, c'était plus des grandes unités de 90 ou 150 patients. C'était des unités de 25 patients. Il y en avait 3 à l'époque. 2 qui étaient nommés Freud-Pavlov. Et la troisième, c'était l'Oasis. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec le baclofène, là ? Expliquez-moi. Mais ils l'ont oublié. Ah, ils l'ont oublié ? Oui. Ah, bah, et moi, je voulais pas faire un aller-retour. Eh bah, vous allez pouvoir retourner cet après-midi. J'ai craché sur un patient, sur le pull d'un patient. J'ai craché sur un patient. Pour moi, c'est un effondrement éthique. Donc moi, je ne pense qu'à ça. Parce que je suis soignante. Je suis censée avoir des bonnes pensées. Marie Dorsan, infirmière et écrivaine. Toute une équipe était inquiète pour ce garçon. Parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de prise en charge après dans le secteur. Il était dans le secteur adolescent et le passage de la psychiatrie infanto-juvénile à la psychiatrie adulte est compliqué. C'est encore un jeune, il n'a que 18 ans. Et la question, c'est oui, le passage, la question du logement, ce sont des jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et après, les financements ne sont plus les mêmes, l'attention, les équipes ne sont pas aussi grandes, tout ça. Mais là, ce qui nous est arrivé à nous tous, c'est plusieurs choses. C'est qu'on ne le voyait nulle part, ce pauvre garçon. C'est parce qu'il creusait les murs. Il creusait les murs et il mettait ses selles à l'intérieur. C'est quand même pas une présentation banale. Qu'est-ce qu'on va lui trouver comme lieu de vie pour être avec les autres? On voyait bien que ça... Nous, on avait les moyens de supporter, à peu près, de supporter. Après, il y a eu des transgressions. Et puis ce jour-là, il a racketté l'ASH. Il lui a pris son argent. Il a racketté un jeune et il a fracturé le frigo. Il a tout mangé ce qu'il y avait dans le frigo. Et c'était trop. pas. Alors moi, j'ai pas craqué. J'ai été agressive, j'ai été violente en réponse à une situation agressive et violente où je sentais que je devais me défendre. Voilà. Alors, j'ai vu les petites bulles. Il avait un pull gris en acrylique. Alors, qu'est-ce que je fais en premier? Ben, comme le vôtre, mais en moins joli. Voilà. Et il y a donc un petit tas de bulles. Alors, donc, je regarde le petit tas de bulles qui font une petite tache à la fois blanche de bulles et de foncé sur le gris. Lui, il me regarde. Alors, faut savoir, c'est un énorme gaillard. Hein, et il me balance. Moi, je vole en arrière. Je me fais un coup du lapin vers le radiateur. Mais moi, est-ce que j'ai peur? Non! Je suis furieuse. Je deviens une furie. Je me lève comme une folle. Oui, et je cours vers lui. Il était dans la pièce juste à côté du poste de soins, c'était sa chambre, entièrement défoncée, plein de caca. Je suis là, et lui, qui est beaucoup plus en phase avec ses émotions que moi, il est effondré. Et je vois son visage effondré. Je vois sur lui le regret, la honte de m'avoir poussé, la honte sans doute d'avoir fait toutes les bêtises qu'il a faites. Il est extrêmement touchant, sauf que moi j'y suis. J'ai des points comme ça, je fais les points. Tu veux te battre ? Et là, les collègues entendent mon cri. Et c'est quand les collègues arrivent comme une meute, enfin, ils sont que deux, hein. Ils arrivent comme ça dans le couloir soudainement. C'est devant le regard tiers d'un autre, de mes collègues, que tout à coup, tout ce que je fais, c'est que je m'effondre en pleurs. Au lieu de penser simplement à moi, ben, j'ai pensé au-delà. Qu'est-ce que je pouvais faire pour que tout ça soit dit, effectivement. Comment on pouvait se sentir mal. C'est ça, c'était écrire pour le faire exister, pour le dénoncer, mais aussi pour le faire exister. Oui. Il y a 180 000 mots. Voilà. Un anniversaire. La table est décorée avec des sets colorés, des dessous de verre, des serviettes à motifs, des fleurs du jardin dans une tasse à café, des pâquerettes, des tiges de lavande parfumées, une rose. Alors Thierry pète, Romuald rote, Jamel crache dans son assiette, Aurélie pose sa main dans son assiette, Frédéric renifle bruyamment. Jean-Marc se demande quoi faire. Oh, pas longtemps. Il se met à siffler en se balançant sur sa chaise. Les soignants voudraient tous se lever et s'en aller. « Y a quoi en dessert ?» crie un jeune à une soignante qui s'est levée et se dirige vers la chambre froide. C'est le grand réfrigérateur, celui des repas industriels livrés quotidiennement, qui se ferme à clé. Sinon, tout est dévoré avant l'heure. Parce que là, j'ai craché en mars. L'écriture, c'est venu après. C'est occupé là-bas ? Pardon ? C'est occupé là, salle de bain ? Oui, tout à fait. Ah, j'ai juste fait un schéma. Vous laissez pas tant de date ? Oui. Tu veux du matériel ? À la pige, ouais, s'il te plaît. Ouais. En quoi ? Alors j'ai un souvenir très marquant de mon entrée à l'hôpital psychiatrique, de voir Frédéric Mougeot, sociologue. Des corps qui avancent, des personnes en grande souffrance et surtout pas d'unité dans la manière de déambuler. Et petit à petit, mon ambition première, c'était de travailler sur la relation de soins entre infirmiers et usagers ou patients. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je choisisse le regard plutôt infirmier, qu'il y avait une frontière finalement qui séparait les soignants des soignés, et une frontière qui paraissait presque infranchissable. Et ça a débouché sur un travail dont l'idée était de comprendre les transformations du métier d'infirmier en psychiatrie à l'ère du New Public Management, à l'ère de la nouvelle gestion publique, et d'essayer de comprendre comment ce métier, qui avait un diplôme jusqu'à l'année 92, continuait à garder une forme d'identité professionnelle, d'une certaine manière, alors qu'il n'y avait plus de formation spécifique. Ce regard clinique, il est à la fois un regard sur l'autre pour essayer de le comprendre, de ressentir finalement presque à l'intérieur de soi les territoires qui sont ceux de la personne malade, comme une forme de manière de prêter son appareil psychique, une manière de comprendre l'autre profondément, mais elle a pour effet pervers peut-être d'une forme d'extériorité ou de besoin de prendre du recul sur l'autre et de dire que soi-même on n'est pas comme lui. Et donc de fait, ça crée une frontière. En ça, il y a une forme de double face du regard clinique qui peut être violente. Je pense au pyjama. Combien de personnes disent que c'est terrible ce pyjama. Alors il n'y a rien dans le règlement intérieur qui oblige à porter le pyjama de l'hôpital, mais c'est le pyjama de l'hôpital qui est le plus souvent porté. Et effectivement, moi, ce que j'ai noté, c'était que peut-être il y avait ce besoin de se différencier de ces autres. Et que de fait, la frontière s'inscrit dans les corps, dans le traitement des corps, en enveloppant par le pyjama, puis après les effets secondaires des médicaments qui font enfler les personnes extrêmement rapidement peut permettre d'approcher aussi plus facilement la personne, puisque on peut situer dans le corps ou le mal. Donc ces images d'asile que l'on a tous, vol au-dessus d'un coucou, etc. Ben, là, elles resurgissent de façon phénoménale. Quand on arrive à l'hôpital et qu'on voit ça, c'est assez perturbant. Oui. Y a mes collègues qui vont passer faire le tour des traitements et donner le repas. Vous verrez à ce moment-là si, voilà, si ça vous convient ou oui. Pour le traitement et s'il y a des ajustements à faire. Ok, okay. C'est tout. À tout à l'heure. Merci. On peut vous parler deux minutes ou pas? C'est vous qui demandez, monsieur, à être hospitalisé? Oui, c'est moi. Vous avez l'air très, très en demande. Depuis un moment. Ça a été long, la demande. Parce que j'ai des problèmes administratifs avec la préfecture et du coup, les cliniques, ils prennent pas trop en charge ma mutuelle par rapport au remboursement et ils me disent des délais très longs. Plusieurs reprises, j'ai essayé de me faire hospitaliser en passant par les urgences. Et hier, par exemple, j'ai vu mon médecin au CMP. Qui m'a indiqué venir aux urgences aujourd'hui pour me faire hospitaliser. Vous êtes déjà venu ici? Oui. Donc le pyjama, tout ça, les téléphones, les objets personnels, ça vous impressionne pas? Le téléphone, ça m'impressionne parce que d'habitude, on n'a pas le droit. Quelle est votre demande? Venir vous hospitaliser, c'est... pourquoi? Je me fais hospitaliser parce que j'ai des problèmes addictologiques pour pouvoir arrêter la consommation, arrêter carrément la consommation. Et comment ça se fait que vous vous retrouvez à l'hôpital psychiatrique pour des problèmes d'addictologie? Parce que c'est les délais d'attente dans l'addictologie, ils sont assez longs et en psychiatrie, je suis connu depuis l'âge de 20 ans et aujourd'hui j'ai 26 ans et donc pour me protéger, ils m'ont isolé de mauvaises fréquentations de l'extérieur. Et l'objet du téléphone, c'est important. Je vous entendais dire tout à l'heure que même quand vous ne voulez pas consommer, on vous appelle. Oui. Et c'est là que ça déclenche la consommation à chaque jour, à chaque fois. Donc vous venez ici pour vous protéger? Je viens ici pour me protéger de l'extérieur, oui. Par exemple, en 2015, quand je suis à l'isolement psychiatrique, dans l'unité fermée à... soins intensifs, je me sens mieux quand même. Oui, je me sens plus protégé de l'environnement. Et après, je ressors mieux. Même sur le plan psychique, comme moral, c'est un peu difficile au début, mais après, je tiens quand même. Je me suis habitué aux isolements. Là, vous allez rester dans le couloir aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, pendant quelques jours peut-être. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est fumer une cigarette et attendre de manger. Pour tuer l'ennui du temps. Il y a une fenêtre là, vous pourrez peut-être regarder. Ah non, on ne peut pas regarder parce que c'est... C'est brouillé, vous auriez pu regarder le ciel, mais... En fait, la psychiatrie, c'est en même temps de... En même temps, c'est stressant, mais c'est en même temps reposant. Oui. 46 ans, depuis 46. Peu. C'est quoi votre parcours? Vous êtes passé par... Oula, j'ai un parcours, excusez-moi. Alors, j'ai un parcours atypique, moi j'ai J'ai eu un bac littéraire, j'ai fait une fac d'anglais, puis une fac de sociologie, puis à la fin, je n'avais pas de diplôme. Mais je voulais déjà être infirmier, comme ma maman, qui est infirmière, David, infirmier au CMP de Villeurbanne. Sa carrière, qui n'a jamais aimé son métier, mais pourtant, elle le faisait bien, et elle ne m'a pas dissuadé. Donc, comme beaucoup de garçons, j'étais attiré par les soins techniques, la réanimation, infirmier anesthésiste, mais j'avais fait mon stage professionnel de 2 mois en réa. Ça m'avait plu, mais c'était pas un grand amour. Et finalement, je suis revenu à la psychiatrie. Donc, j'ai choisi de travailler pour le CHU de Montpellier dès que j'ai eu mon diplôme. J'ai reconnu le métier d'infirmier. Je cherche pas à le donner action-résultat, mais résultat institutionnel, oui, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Il y a eu le Ségur récemment, on a une pseudo-reconnaissance. Mais en attendant, ils continuent à supprimer des lits ovinatiers. Le Ségur de la santé, ce qui a été décidé après la pandémie de Covid, où ils ont eu tellement peur, nos gouvernants, qu'ils se sont dit, oui, en effet, il y a un problème, c'est des héros, ils sont pas payés. Déjà, on va peut-être un peu les payer, les paramédicaux, même les médicaux, puisqu'on était sur les pays de l'OCDE avant-dernier, parmi les moins bien payés des pays dits civilisés, nous les infirmiers. Donc ils ont fait un petit geste, on gagne 183 euros plus net par mois. C'est correct, mais on est encore dans la deuxième moitié du tableau. Hein. C'est, y a encore on est moins bien payé que la moyenne encore. On est encore loin du compte. Nous, on aurait voulu 300 euros de plus pour être dans la moyenne, pas dans les mieux payés. Mais après, on ne fait pas ça que pour l'argent, mais quand même. Le temps des bonnes sœurs est terminé. Parce qu'elle vient des bonnes sœurs, il ne faut pas l'oublier. Et c'est à la vie dure, cette tradition, les infirmières, les sœurs, comme on disait. Et, vous gagnez combien ? Là, je suis diplômé le 1er novembre 2009, donc je vais faire 12 ans à la fin de l'année, je suis infirmier, et je gagne, alors si on compte pas les impôts, depuis le Ségur, là je suis à 2100 euros net par mois, voilà, de 11 ans de carrière, c'est pas l'extase quoi. Oui, c'est David. 5e étage. Toujours, ouais. La porte est ouverte. S'il vous plaît, refermez la porte derrière. Et bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour, bonjour. Nana. Moi, je l'ai attaché. Je vais un petit coup de main. Merci à vous, je vous prie. Il est où le petit papier là que vous avez rempli scrupuleusement, là, que je regarde un petit peu? Ah. Des fois, si vous voyez marqué la même chose, c'est l'RS. D'accord, pas de soucis. Ok. Super. Je vois que le petit déjeuner, c'est toujours le 2 cafés. Riomelette, fromage bleu. Alors là, c'est fromage, c'est bleu et Bresse, c'est ça? Oui. Et en boisson, il y a quoi? C'est de l'eau, c'est tout. Ouais, pas de soda? Non. Pas d'alcool? Non. L'alcool, c'est uniquement un verre quand il y a les fêtes, le jour de l'an, ou Noël et tout. Après, il n'y a plus rien. Ouais. Pas de grignotage, rien du tout. Non. Ok. Salle anchois. Beaucoup de féculents. Ouais, voilà. C'est peut-être leur bas blesse où ça manque un peu de légumes. Est-ce que je voulais savoir, vous savez, à l'année où on est là? Oui. C'est-à-dire 2021. Voilà. Et notre président? C'est toujours Macron. Oui, Emmanuel Macron. Oui. Voilà. Puis, je me rappelle, la dernière opposition à Vinatier, c'était en 2018, c'est ça, hein? Il y en a eu deux, en fait. Il y a eu un passage aux urgences et il y a eu une petite hospitalisation. Ouais. Ah, je ne me rappelle plus. Vous ne rappelez pas le passage aux urgences? Non. Suite à la prise du traitement contre la gale? Ah, oui, tout à fait. Oui, ça y est, ça me revient. J'avais des plaques. C'était pas que vous... Alors, ça rime, c'est vous mettiez des claques, par contre. Ah oui, je me mettais des plats, je me mangeais les croquettes du chien. Et je mangeais les croquettes du chien. Et aussi, est-ce que vous avez vous aviez un excès de sel, de potassium, parce que vous aviez beaucoup mangé de croquettes. Mmh. Donc ça n'a pas arrangé les choses. En tout cas, oui. Ça vous a fait délirer, mais fortement. Hein, vous saviez plus où vous étiez. Bon, c'est vrai que je m'en fais pas. Mais c'est normal. C'est loin tout ça. Voilà. Et l'objectif de mes visites, c'est que ça reste loin aussi. Bah oui, bien sûr. Bon. Bah, je vais en rester là aujourd'hui, si d'accord. Ça va alors. Hein, okay. On va pas. Les infirmiers, sous couvert de soins, parfois font du chantage de façon pas forcément toujours ancrée dans la clinique et de façon pas toujours justifiée. Ce ne sont pas des anges, ce sont pas des, ils sont comme tout le monde et on leur limite. Et ces limites peuvent être terribles pour les malades. Donc, du petit pouvoir. Oui, du petit pouvoir, exactement. Il y a des enjeux de pouvoir. Effectivement, je me souviens de cette personne qui avait pas rangé sa chambre, etc., et qui s'est fait reprendre. Et effectivement, cette idée de, il faut absolument qu'on recadre les personnes. D'ailleurs, les infirmiers, quand l'unité n'est pas suffisamment contenante, ils demandent aux médecins d'agir justement pour essayer de recadrer, reprendre les personnes. Alors, on retrouve ça dans plein d'institutions, hein, carcérales. Moi, ça me faisait un peu penser au CPE, hein, et dans les établissements scolaires. Enfin voilà, c'est les infirmiers qui ont les cigarettes, qui ont l'argent des personnes. On a tout un tas de moments où la personne est déniée, tout simplement. Et où finalement, les infirmiers deviennent des gestionnaires ou le guichet social, enfin, et où ils sont des distributeurs de cigarettes, de café, d'argent pour aller boire un coca, etc. Donc c'est ça aussi. Et ce qui est terrifiant, c'est que tout ceci n'est pas vraiment pensé collectivement. Alors effectivement, c'est le cadre thérapeutique qui est défini par le médecin, dans lequel le médecin décide si la personne a le droit à ses affaires personnelles, si elle doit être en pyjama ou pas, si elle a le droit d'avoir des cigarettes ou des sorties dans le parc. Et tout ça est médicalisé. Enfin, c'est le psychiatre qui décide ça. C'est un outil du soin, le cadre thérapeutique. Où finalement, ce sont les infirmiers qui disent « Bon, bah là, cette personne est un peu envahissante. » Donc effectivement, le cadre thérapeutique, il me semble que le gros souci actuellement, c'est qu'il n'est pas pensé de façon individuelle, réévalué. Enfin, il est réévalué, mais c'est-à-dire que c'est fait de façon un peu chirurgicale, technique. C'est de la gestion de décor. Comment vous trouvez que la psychiatrie évolue ? Ça me désole qu'on parle étiquette, catégorie, biologie, et qu'on n'aille pas chercher la pensée, le sentiment, le lien, et qu'on ait des programmes, qu'on ait de la technique, qu'on ait du médicament, que ça se réduise à ça, qu'on commence à parler en termes de file d'attente, de combien de temps quelqu'un va être quelque part, pris en charge. On parle des êtres comme si c'était c'est plus des personnes. Enfin, c'est des choses qui coûtent. So, you're gonna stay here, and we're gonna call the hospital which knows you. And we're going to organize an hospitalization, okay? Well, do what you want. I'm not in your hand. I'm in the hand of God. Infirmiers, les garde-fous de la psychiatrie. Avec Carole, Annabelle, Monsieur A, Maxime Lecomte, David, François, Étienne, Docteur Mathieu, les patients et les soignants des urgences du Vinatier, les infirmiers de l'hôpital du Vinatier, Yves Gigou, Isabelle, Frédéric Mougeot, Marie Dorsan, Monsieur D, Nana, les patients et les soignants du CMP de Villeurbanne. Lecture des textes Aurélia Petit. Merci à Florence Clémentin, à l'hôpital du Vinatier et à toute l'équipe des urgences. Merci à Marianne Bowie, à Lina pour les archives, à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France. Prise de son, Benjamin Thuot, Laurent Macchietti, Jean-André Giannichini. Mixage, Bernard Laniel. Un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant la nuit de garde, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs, et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir Le Divan du Monde, le documentaire de Sven De Pau qui nous plonge dans un singulier cabinet de psychiatrie. Demain, dernier épisode, en prison, sur ordonnance. Mais en attendant, restez à l'écoute.